Matthieu chapitre 8. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes troupes le suivirent. Et voici, un lépreux vint et se prosterna devant lui, en lui disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus étendant la main, le toucha, en disant, « Je le veux, sois net. » Et incontinent sa lèpre fut guérie. Puis Jésus lui dit, « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, et te montre au sacrificateur, et offre le don que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoignage. » Et quand Jésus fut entré dans Capernaüm, un centenier vint à lui, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est paralytique dans ma maison, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Mais le centenier lui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Ce que Jésus ayant entendu, il s'en étonna, et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous dis, que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Mais je vous dis, que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. » Alors Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et alors même son serviteur fut guéri. Puis Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre, qui était au lit, et qui avait la fièvre. Et lui ayant touché la main, la fièvre la quitta, puis elle se leva, et les servit. Et le soir étant venu, on lui présenta plusieurs démoniaques, desquels il chassa par sa parole les esprits malins, et guérit tous ceux qui se portaient mal, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Ésaïe le prophète, en disant, « Il a pris nos langueurs, et a porté nos maladies. » Or Jésus voyant autour de lui de grandes troupes, commanda de passer à l'autre rivage. Et un scribe s'approchant, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où il puisse reposer sa tête. » Puis un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. » Et Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Et quand il fut entré dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la nacelle était couverte de flots, et Jésus dormait. Et ses disciples vinrent, et l'éveillèrent, en lui disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ?» Alors s'étant levé, il parla fortement au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens qui étaient là, s'en étonnèrent, et dirent, « Qui est celui-ci, que les vents même et la mer lui obéissent ?» Et quand il fut passé à l'autre côté, dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques, étant sortis des sépulcres, le vinrent rencontrer, et ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps ?» Or il y avait un peu loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, en disant, « Si tu nous jettes dehors, permets-nous de nous en aller dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Et eux étant sortis s'en allèrent dans le troupeau de pourceaux, et voilà, tout ce troupeau de pourceaux se précipita dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les gardaient, s'enfuirent, et étant venus dans la ville, ils racontèrent toutes ces choses, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà, toute la ville alla au-devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur pays.